Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM pour le dernier réglage de l'émission Nuisance qui va prendre place. Vous pouvez entendre de la musique derrière, c'est tout à fait le non-but de Nuisance, la musique, voilà, c'est dit. Sûrement crever. Donc la vie c'est de la merde, vous le savez, n'est-ce pas ? Merde, j'ai dit une connerie ou quoi ? D'accord, j'ai dit une connerie. C'est quoi, quand j'ai dit la vie c'est de la merde ou quand j'ai dit autre chose, je me sens plus, tu vois ? Non, tu peux me le dire. Hein. Après tout, tu vois ce que je veux dire ? Même pas à moi. Non, je parle à moi. Je parle comme d'habitude, je suis en boucle, mon gars. Ouais, mais carrément. Non, je parlais à moi, je disais j'étais un enculé. Je pue de la gueule. Il faut que je me brosse les dents, mais je m'encule moi-même, tu vois, tellement les dents elles puent. Moi, personnellement, je me suis jamais lavé les dents. Voilà, ça ne m'empêche pas. C'est quoi les dents ? D'avoir la laine propre. Fuck le propre. Ce qu'on veut, c'est du crade. Bah, la laine bien crade. Mourir. On a fait du crâne. Chouette. Déjà, on m'a bouché ma magique du Bouddha et je me satisfais que cette sauce est vraiment magique. Elle est celle qu'elle adore. J'ai médité 4 heures par jour. Les pieds dans l'eau. C'est un copain moi qui l'a fait comme ce magique de Bouddha. Je suis revenu à Toulouse après avoir tout perdu. Absolument tout mon reste par moi. Mon sac de couche avait 7 heures. Débarque devant la source. Voilà, donc comme on disait, c'est la merde, on va tous se faire enculer quoi. Je veux dire, c'est moi, je t'ai dit ça bien sûr. J'ai pas fini. Attends, bah tu peux continuer pendant 2 heures mon gars, il y a le temps. Hein. Allez, alors commençons. La vie, c'est moi qui dis ça, c'est de la merde et je m'encule moi-même tous les jours en pensant que je suis vraiment qu'une merde humaine de chiottes. Donc il est de race de sale macaque puant et que je ferais bien de me foutre la gueule dans un miroir. Eh ben moi quand j'étais jeune, je fixais le miroir, je me trouvais pas beau. Je me demandais comment je vais plaire une fille. Vraiment. Rien à foutre de plaire. Ce que je veux moi, c'est qu'on me mange. Non, je pensais plutôt à la grosse merde, moi, tu sais. Qui pue du cul comme d'habitude parce que ouais. Parce que je me fous la gueule dans un martyr. Eh ben c'est ennuyant. parce que la vie est éternelle. Ça, c'est parmi les bonnes nouvelles que j'ai annoncées. Manque de poule, j'en ai de mauvaises. J'ai joué devant des gens, à monsieur Jésus. J'ai planté mon briquet sur mon bois et j'ai fait juste un bel feu. Un deux jours après, toujours en hiver, j'ai chopé une insolation. Oh, pas trop m'aider avec Dieu, et vaut mieux en avoir la trouille. Donc en parlant de tourner en boucle, je pensais justement à me chier dessus, quoi. Eh ben, il y a des putains de deux putes. Je sais pas comment ils font. Ils ont un tour de magie à tous les coups. Et essayent. Là, c'est le prix sur les animaux. J'avais le cul qui pressait. J'ai mis 3 jours à chier. Ce qui est sorti, c'était un fils petit. Elle essaie de me faire chier dessus parce que, soi-disant, j'ai tué Dieu. C'est joli ce monde. Dieu se l'envoie chier. Lui et son nom. Bouffez ma femme. Putain ma chaos. Alors que c'est mis sur l'hiver. Après m'accepter, j'ai sorti mon yogurt dans le quartier d'Anglaise. Qui a le rebelle qui la belle. Une semaine après les fêtes, quatre minutes de faire le tapin dans l'ancien cas. Dans l'ancien quartier des piques de lutte, a été grimpé en voiture. Une semaine après, elle détend le regard, l'air du plus profond dégoût. Et avec le chien, c'est amusant parce que la puce était jouissive. Et ben moi aussi, je suis parti jouissif. J'ai sorti mon yogurt, un yogurt suissant. Donc je disais justement. Comme donc j'ai envie de vous dire que c'est toujours la même chose, donc ça n'a pas changé en tout cas depuis tout à l'heure. Et donc justement en disant cela, on pouvait penser que peut-être quoi, mais non en fait, non que dalle quoi. Donc on est toujours sur le même point, on va à peu près finir dans le trou quoi. Ça, c'est mon vrai gonzesse. Faut que je t'entende parler de bite, justement. Attends, je parle de bite. Je sais pas. Moi, j'étais gosse. Je passais toutes mes vacances aux HM de Chagestel. Et de baise aussi, ouais, c'est vrai, de baise, on parlait de cul justement tout à l'heure. Ça au moins on peut en parler, je veux dire, qui c'est qui veut me vendre du cul ou qui veut acheter du cul, c'est vous peut-être. Je sais pas, il y avait la crise, il y avait le complexe. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Et en parlant de crise, justement, j'ai une crise d'hémorroïdes en ce moment, donc ça va être un peu difficile de ne pas crier ce soir. aille. Non, le combat des gosses, c'est faire un petit bite. Voilà, c'est une petite bite. J'ai une petite bite. Moi, j'ai une toute petite, un tout petit sexe. Minuscule. Autant que ce soit dit. Fais-moi une bite normale. Non, moi, je veux une petite bite. Une petite bite. Ça me suffit. Après 3 cm de moi. Non, en fait, si je pouvais ne pas avoir bite du tout, ça m'arrangerait. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut, tu vois. Ah bon, mais malgré ce qu'on veut, moi, c'est pas dommage. Il y a des règlements, il y a la réglementation, il y a la police. Et j'ai appris que pour participer à une émission de Canal Sud, fallait signer une charte pour accepter votre antiraciste et anti accepter le sexisme ne permet les femmes. Moi, les femmes, je les aime. Mais je vois le travail qu'est en train d'accomplir la loi. Et donc justement, on parlait de ça. Donc, j'ai des mots en pagaille. Ouais, vas-y, c'est clair. Hein. Attends, j'ai un truc à dire aussi. Ouais. C'est fait. Donc justement, on parlait de quelque chose tout à l'heure. On n'a pas réussi à finir le sujet, donc si on pouvait reparler de ça, quoi, ce serait cool. Notamment que vis-à-vis de nos invités, je veux dire, je me sens tout à fait impitoyable, quoi. Enfin, pitoyable, quoi, je veux dire. Plutôt. Vas-y, salope, mouille le maillot. Régression, vaginale, orange, mangue, gestion. Foutre. Frère, frétillé. Sans jamais toujours réviser nos gammes, évier valise, les débords larvés de l'airé, de l'air d'un bateau, vaigre, gréé, ivre, irresponsable, essuie-tout. Au feu, vie de nègre, arbre, déployé d'atomes froids, queue, kyste, irréparable à tout casser. Compter, sauf cosmétique, puis feindre l'illusion. Sauve, âge, dilution. La propriété privée de cul. Joie privée, l'art de vivre bourgeois, ou peut-être mourir, ou bien rêver, n'attendre personne. Pote en ciel, pote au feu, cirrhose, arpente, côte, quatre cymbales, pie, l'oiseau. Un grand déviant, coude peigne, coude fil, coude œil, coude pied, coude rouge. La jeunesse en France, de 1789 à nos jours, au seuil. C'est l'ordonnance des lunettes que je vous fais voir, mademoiselle. Rivoire, rebondissement, resté carré, l'ombre poétique du soldat Mao, syndrome de Diogène, varié à varié, à peine le pénis. barbe prise de poids déferlante, déférente verbale nageoire, barbaresque bizarrement poilu, vinasse accessoire. Narine lasse ou lascive. Homo tamo, sucé. Ouais. Épelé, appelé, à pâlir, perdu, mâché, pire, à naître, en rupture, agir, narré. Ni rien, ne rien, d'une éjaculée. Au moins s'agenouiller. À queuter, lui briser le goitre, grinçant, mi-figue, mi-raisin, chez le dentiste. Homicide, tuer un humain, suicide, tuer un Suisse. Tuer. Nu de dos, de Fantin-Latour. Jennifer Delance. Tu es le mort. À l'Elysée. À l'Elysée, ouais. Les événements. Les événements. C'était un sensible. Demain. Mouillé dans une rade, à volo, à vol-feu, avaler, aller vers, descendre un fleuve, rôle cendré, gendré, de gender, genre, blouson doré, rognure de nervi, fesses d'huître, parc à huître, sabord. Alors le sabord est un mot orphelin. Néanmoins, un nice éclair de notaire, un éclair de notaire rare. Connasse, salope, pute, connasse, salope, pute, cette merde qui m'a enfanté, tu payeras si je le peux. Toute ma haine est pour toi, connasse, salope, pute, connasse, salope, pute. Dissimuler la simulation, lisse en ciment. Elle avait l'assurance du petit bourge sportif bon en maths. Baiser. Mais très facilement, je lui arrache les dents. Je parcours tout l'immeuble pour avertir les gens que j'appelle les flics puisque je suis dans un squat. C'était un rêve. En fait, c'était un cauchemar. C'était le 6-7 février 2010. Faut que je retrouve le début alors du cauchemar. Les bons sentiments m'ont tué, le politiquement correct m'ont tué, le relativisme m'ont tué, le victimisme m'ont tué, les classes moyennes m'ont tué. Vive la mort, vive la liberté, la mort, l'anarchie, c'est le libéralisme bourgeois, c'est-à-dire un pléonasme. Être soi, être un prédateur, animal, inhumain, en tout point détester cette humanité conformiste, cette flemme que tous les proxénètes que sont les patrons font bien d'exploiter. Vorace individualiste, vermine sympathique, écoutez tarir, coûter le gastéropode, champignon, l'arabe, le barbare, l'envahissement, une balle dans la tête, plaider contre la monnaie de la pièce, voir l'humanité mourir d'elle-même, 1 milliard, 6 milliards, 1 000 milliards de merde, cette plèbe grouillante, somme de coït dégueulasse, de la soumission à l'instinct, de l'authentique goût du conforme, répéter, ne rien changer, suivre la ligne, surtout ne pas être libre, se tchadoriser la tête, du mépris, soi-même s'interdire, surtout de penser, par soi-même, manger dans sa voiture pour s'autoriser, s'automutiler, aller plus vite au turbin, se cultiver, démocratie, démagogie, fascisme, musulmans, médiocres, acrimonie, à tous les tués le savent, les vers sont dans le fruit. Gazé comme à Gaza, intoléré l'intolérance. L'anarchie, c'est la loi du plus fort. Se démaquiller le cul, éviscérer les croyants gauchistes. C'est la haine de soi, suivez la ligne. Le phoque, l'outre, la bile, mort au peintre du dimanche, boulevard Staline. L'interdit, c'est la liberté, la règle protège le faible. Chat, rognard, Paul, âgé, gesture tacite, table rase, blouson d'or, monoprix en levrette. Tératophile, libre. Tuméfié, tumeur, tauride, matador. Torres, Eros, ange, fange, famélique, idiosyncrasie, centain, tongue. Gastronomie mixte. Donc moi je suis là. Moi c'est un surnom accepté par tous. Soit si tu veux t'annoncer, si tu veux dire ton blaze. Voilà, il vient de frotter son nez à la bonnette du micro. Tel un sexe turgissant qui se frotte contre une bonnette de micro. Ouais, c'est parce que je cherchais un truc pour blaze. Ouais, bah plein de foutre quoi, ça marche aussi, tu sais. Bah le nez, c'est le blaze. Voilà, bah salut plein de foutre. Moi, c'est plein de sperme purulent qui pue le poisson pourri. Moi j'en suis à crème contre l'humanité. J'avais ma femme, embrassé vos cimetières. J'avais fêté son deuil, c'est long, c'est riche. On me l'a ressuscité dans du acratophile. Là, j'ai sorti les armes. Ah, ça les a pas calmés. À la fin, c'est bon, j'ai eu la chaîne dans l'œil. Soit les belles têtes, elle qui devait la reine de respirer dans ma sous la patronne. J'ai pris la nappe barbe. La passion de l'esprit, c'est bel et bien l'esprit, jusqu'au poil. Moi fâché et non pas aimé, tous les dons arrachés, et ne m'en reste qu'une. Je vous trompe, ça marchait pas. La vie que je mets sur le dos et mon fait savoir j'avais tellement la maladie et mon père du pas du tout. Ah, c'est vraiment des génies. Maintenant il faut que je mette un jour dans le rêve pour pouvoir pisser. C'est plus grave. Et c'est ingérissable. J'ai peur tout du monde. Pourtant je suis à tout. assister. C'est ma copine. Décidez. Est-ce que me voir comme je lui avais demandé. C'est forcément une coiffure. Parce que j'ai pris de l'ambassade. Service payant. Moi, ça m'a surpris. Une ambassade en guerre. Après votre exemplaire. Lors de l'affaire de Bagdad. Comme service payant. Et merde. Votre fait des objets privés. Pour la retrouver. Ça a été très dur pour ma femme. We're about to die. What would we do? What would we do? I mean, if we're about to die. If we're about to die, what would we do? We'd eat our shit. No. We'd fuck our shit. That's what it's about. No. When you're about to die, you fuck your shit. It's the whole thing about it. It's the whole thing. When we die, we eat our shit. That's the thing about it. When we die. When we die, man. Eat our shit, you know. You see what I mean? Okay, and when you're done fucking your shit, you know, you die, you know. That's what it's all about, you know. You die when you're dead, you know. And fuck your shit. Woo! Fuck your shit, man. C'est le carnaval! Ah ouais, vive le carnaval, t'es bourré! Ce que tu me dis. Bon alors justement on est en train de parler de merde, donc voilà, c'est arrivé. La merde est là, c'est moi la merde. Je suis là pour vous faire chier. Parce qu'une fois qu'on connaît la merde, on reconnaît la merde. On sait ce qu'on est quoi. Alors la merde humaine, vous savez ce que je veux dire? Mon seul temps, je suis mon seul SS. C'est ça, je suis un sale SS. C'est ça. Moi, je suis un sale SS en fait. Sécurité sociale! Moi, je suis dans la merde. Parce que y a le film L'écrase. C'est scatophagique. Sinon, je mettais le film Batman. Au Molière, deux films de plus mauvais goût. Allez, ça passe. Parce que si on a bouffé, ça loupe pas. Ou le cœur, et on se vomit dessus. Ça, c'est ma place. L'histoire des extraterrestres venus de l'espace. Ravitailler pas tout l'espace en semaine. Elle tombe sur 5 super-héros. Donc ça se moment précis que le mec me dit mais t'es qu'un enculé. Moi j'ai dit oui c'est vrai. Ça n'a pas changé hein. Ça fait des années que je la sors celle-là, elle fait toujours autant chier, tu vois. Toujours une émission de merde, je veux dire. Bon pour ce qui est de l'animation, elle vous fait enculer quoi, et pour ce qui est de crever, ben aussi quoi, pareil, la même. Moi j'ai comme mon film préféré. C'est pour ça que j'ai défendu l'Europe. Comment on a fait ma mission. C'est un vieux film de 73. C'est un chercheur d'or. James Cooper. Qui fait la révolution mexicaine. Avec un Porsche. J'avais pris du mec qui m'avait envoyé le voir. De toute façon, tu comprendras rien. Ah ben, le film en 1978, je retiens le voir. Effectivement, pour le faire, mener la révolution. Fuck it, fuck it, yeah man. Just take him and fuck him in the ass, you see what I mean? Just shoot him in the head, you know? That's what it's about, you know? You gotta be there to shoot him in the head, you know? Il faut leur tirer dans la face, tirer une bastos dans la face, mec, vite. Vite, tu les prends, tu les retournes et tu leur tires une bastos dans la face. Vite, mec, c'est le seul moyen. Personnellement, je ne fais plus garde à vue. C'est pas personnel, mec, c'est le business. Il faut les buter, mec. Il faut les buter, tu sais. J'en ai fait une vingtaine. C'est pour ton fric, mec. Tu fais partie de l'armée, tu dois les buter, c'est pour ton fric. Tu dois gagner ton pain. Travaille. Bute-les tous. Tous et toutes. Et viole-les aussi, avant. Prends un peu de bon temps, quand même. Tu as droit. Une fois que t'auras fini de les violer, tu pourras les buter encore une fois. Je m'en fous, je vais faire bander. C'est pas que j'avais le coup. It's hell here, it's hell. Hell is on earth, man. Une fois que j'ai la Bible. It's hell everywhere. La fois que je me souviens dans la Bible. The whole cosmos is hell. Elle m'a coupé les couilles pour nous. L'univers, c'est l'enfer. Et c'est la bannière. L'univers, c'est l'enfer. Mais c'est à ce moment-là que je le prends, le mec, tu vois, et je le crève, je le crève. On te crève. On va pas en revenir aux espèces de gugus qui ont tué trois parents et quatre enfants. Moi, je me pose des questions. D'où venaient les armes et où ont-ils appris à tuer? Parce que ma femme va dans la peau depuis que je lui dis au mec, je suis putain, je suis un PD, tu sais, je lui dis, tu sais. Et le mec, il me dit, non, c'est pas vrai, t'es putain, t'es une bonasse, tu sais. Moi, je lui dis, mais t'as pris un trip ou quoi, tu sais, tu vois pas que je suis un mec? Et le mec il me dit, mais non, je vois pas, je suis défoncé, t'sais. Et ça c'est pas vrai parce que les mecs qui sont défoncés ils disent pas ça. Eh ouais, bah ouais, bah. Personnellement, je suis un tripé. Je suis reconnu comme ça. Alors il me ça. Demande, est-ce que t'as une capote? Je lui dis, non, tu sais, mec, j'ai pas de capote, tu vois. Alors je lui dis, merde, est-ce que tu veux faire ça quand même? Et franchement, le mec il me dit, mais va te faire enculer. Je lui dis, d'accord, viens, tu sais. Viens salope à ce mec là, tu vois. Et le mec il se retourne et il me dit, mais je suis pas une salope, tu sais. Alors je lui dis, ouais, mais t'as un beau cul, tu sais. Et le mec il me dit, ouais, mais t'as des gros seins, tu sais. Je dis, ouais, mais j'ai pas encore eu les moyens de me faire la face, tu sais. Donc, malgré que j'ai pas le droit de faire de racisme. Sur Canal Sud, je me rends compte que les services gouvernementaux font leur travail. La majorité des tensions d'armes retrouvées. Moi, j'appelle pas ça du racisme. J'appelle ça une mise au point. Grosse salope, baise-moi, ouais, c'est tout ce que je veux. parce que je suis idiot en fait. Parce que les mecs ils ont dit que j'étais idiot parce que je suis une salope, c'est ça. Moi personnellement, j'aurais pas de dire. Oh my god, it's hell here! It's fucking hell! We're gonna die here! We're all gonna die on this stupid planet, man! We're gonna die, it's not worth it! We deserve to die! It's cool, man, we're gonna die here on this stupid fucking planet! Planète de merde! Humaine à chier! Non! C'est vraiment dommage que j'ai dit non! Parce que j'ai fait la vie du FFP-ARP! On y va sur la prochaine, armée révolutionnaire prochaine. Et j'ai donc sur le mariage, le bac, chaque matin, les cette offre, je l'accepte. Mourir en paix, prout. Plutôt crever l'abcès que purulée pour incessamment sous peu puer du cul. Oui mon ami, tu vas crever aussi. Oui. Moi, elle m'est promis aux... Non, c'est moi qui veux tout. Je veux tout. Je veux tout pour moi, moi, moi. Trop de verbes conjugués. Agir vivant, voulant vivre, verni, de travers, du dehors, des passages cloutés, gommés, biscuits, d'encravatés convenus, fils de père, porquitude, tartre, porquitude, vis à face, le travailleur, toujours à crever les enculés, travailleur manuel spolié, anéanti. La secrétaire, décervelée. Rien d'autre. Et ce dictat de la peur. Panne, l'ouvrage intitulé La rage antérieure. T'en as combien la peur ? Stérile. Que la peur. Stérile, sublime. La nage du rentier. Son estomac vomit ses tripes. La jante. La machine. La tâche. Gueuler pour gueuler, la merde, putain. L'anus. Ouais, crevez. La mastère. Crevez l'anus. Cyclique. Ouais, tant claque. Tant trop tôt. L'abcès. Qu'à la fin qu'elle choisit et ne choisit pas. Mural. La purulence. Son germe abyssal. J'aime sournois. Écrit. Cartonnage. Trou. Cadavre. Congelé, congère, calme élite. Frime frigide. Fastueuse expression pensée par ferment foulé. Correspondance par pluriel sinué. Par parce que la merde. Sinueux, civique. La merde, enculé, de la trisomie 21, signe extérieur de richesse. De la puanteur, catholique, drôlerie. De merde, enculé, drôlerie de monde de gosses vides. Papisme, papisme. Putain, je le savais. Déjà apocryphe, toujours jamais giclé. Sperme. C'est moi l'enculé, putain, je le savais. Soif d'exposer. Habillé d'affamé. Le pain me doit gros. Par l'amour, par trop mal aimé. Glock. Axiome du narcisse inverti. Turpitude. Des touches. Turgescence, réaction. De vulgaire érigé en champ marchand. Pourriture. Puanteur. Onomatopée. D'un paix. Crever les abcès qui puent. Qui puent la merde. Comme argenté. Toujours la merde. Ça, c'est la vie. J'encule. J'encule le Che Guevara. J'encule mon cul. Qui pue, c'est moi le Che. C'est chez moi qu'il faut aller. Crever, toujours crever la merde. S'offrir l'invue. Dégénérescence, décapitance. Suintement, suintement. Presque imperceptiblement, il suinte. Ça suintense. En pensant à son onomatopée. Merde! Merde, putain, chiotte, enculé de race de merde que je suis de merde. Enculé de race de chiotte de merde que je pue. Je recule. Palpitations et désirs sexuels. Enfoui au fond d'un terrier, je murmure à ma chérie que je vais la tuer. Son corps. Encore ? Son corps. Je veux plus être ! Baise-moi jusqu'à ce que je crève ! Dans une espèce de grand immeuble, un appartement où mon père et ma mère sont, un être mi-homme, mi-femme, avec plusieurs chiens, des molosses. Des genre des trucs de vendeurs de cam, les gros là, qui font bien peur, ouais. Impose sa présence aux occupants. Parle-moi des vendeurs de cam. Un des chiens me mâchonne plutôt que ne me mord. La bite. Il n'y a pas de vendeur de cam chez moi. La chatte. Le vendeur de cam, bouffe-moi la chatte, sale chien. Le vendeur de chien, personne. Lâche-moi le clito, sale brute. Anniversaire de l'arrêt de l'alcool, un an, en juillet 2010. Pendant que je t'aime, je crève. Je crève mes abcès purulents. Toujours cette purulence, lenteur. Et lentement, j'absconce. Moi ! Toujours le moi ! Est-ce gros vraiment porc. Si important ? Le porc. Fait une fée d'hiver. At the radio, he's at the radio thing. Do you hear what I'm saying? Can you hear me? Can you even perceive what I'm saying somewhere in the world? I mean, nuances. It's not nuisances. Nuisance, c'est pas des nuances. Nuisance, c'est la merde. C'est la merde! La merde qui pue de notre cul à nous tous. C'est toute. Et pour ce qui est tourné en absconce, je revêtis la forme que l'on m'a donnée, l'investiture est nomenclaturée, et je dois avouer que cette investiture ne m'a pas absconce. Une photo, une pièce d'identité photocopiée, dernier paiement à CEDIC, avis de situation, à NPE. More than this, that, or whatever it is you are. I deserve nothing. That's what you are for me. Something. I hate you all. I want you to die. Die. Do you hear me? Die now. Now, I say. Corps comme une poule quand elle, elle picole comme une pute. Son vagin m'appartient. Die! Car ce n'est qu'un sexe. Now I want me to die too with you. Elle se prostitue à chacun de ses dires. Ses paroles sont comme le souffle du désir. Moi, je me prostitue à mon tour quand j'écoute ses paroles. Pourrissons la merde que nous sommes. Crevons les abcès purulents, oui, turbescence, réaction, ah, nomenclature. Ils ne sont que le fruit de me. Et moi, je ne suis que. Parle-moi de mon fruit. Simple miroir qui reflète mon propre visage. Parle-moi de ma puanteur. N'est pas un nombril, car le nombril est ce que te sépare à la matrice. Le retour de ce désir, lui est le péché. Ma puanteur. J'aime bien sentir la pisse, c'est-à-dire la sentir par le nez, et le fait d'en exhaler l'odeur. C'est une jouissance de régression à pas cher. La chair, pas toute fraîche, cette petite humanité encore vivante de l'odeur du soie, avaler du Rhône, boire l'extruda hormonal, un peu comme regarder son caca, retour sur soi, et puis j'écris des bribes de chansons réalistes. J'ai trop peur de mourir, je vais être saint et pas martyr. Avoir des droits et pas me battre. La grève aux grévistes. Les jaunes aux jaunes. Que les capitalistes y soient gentils comme de l'eau. Tiens, mec, je me déplace à vélo. Je suis un bobo. J'ai peur des autos. Je me démasque, je mets un casque. Le passif s'épanouit dans le désir. Je suis ma propre transcendance. Merde, je préfère courir. De s'agir. Je suis une merde. Ah putain, je veux crever, putain, vite. Qu'est-ce qu'il est sage, ce beau parleur. Vite. Il parle peu, mais il parle beaucoup en même temps. C'est une sorte de... Et encore. Parle-moi de merde. La merde, t'en manges tous les jours. Moi, je vais te parler d'autre chose. Dis-le encore. Tu vis la merde. Tu sens la merde. Je suis la merde, merci. Merci, je t'aime tellement. Tu dis la merde. Oh, je veux être la merde pour toujours. Pour toujours. Je voudrais être celui qui te comble. Pour toujours. Celui qui te bouche quand tu fuis. Bouche mon trou du cul, comme ça tu sentiras la merde aussi. Afin d'éviter aux gosses et aux mamans d'être choqués. Mon odeur sur ta bite. De te voir marcher. Et je pourrais lécher ta bite pleine de merde, de ma merde. Tout en pensant être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bon. Un jambon, quoi. Revenir sur le passé, c'est la meilleure manière à ce que le passé ne vous revienne pas dessus. Et c'est à ce moment-là que le mec il me dit « Mais t'as vu le film dernièrement ?» Je veux dire lequel ? Bah justement, tu vois. On fabrique, on vend, on se paye. Alors c'est à ce moment-là que je lui réponds. Tu vois, c'est normal de lui répondre quelque part. Non ? Le mec, je lui réponds merde, putain. Non, tu vois. Et si vous avez pas suivi l'histoire, vous comprenez pas. Mais en fait, si, je l'avais vu. Je me déchausse. Sur la chaussée brûlante et plurante, je pleure car je pense encore à mon passé. Il est brûlant lui aussi, mon passé. Il marque mon passage car il est passé. C'est comme les boueurs. Après que tu aies fait une séquence de récup, il passe avec le sourire et les bras brûlants lui aussi. Brûlure, elle est partagée. Tout est lié, que disait. Le dire ou le paraître. Maudire ou bien désirer encore une fois. La dernière fois. Désirer une dernière fois, s'il te plaît. Les dents se cassent. Je ne veux plus rien. L'usure se passe. Je ne veux plus rien. Nada! La matière se défait. Se défait même que j'en suis une de matière. Merde. mais la mort vit à travers celui qui forge ton esprit. Il est unitaire. Peter, en Indonésie. Omniscient, toujours présent, il t'observe et te dit comment marcher. J'aime marcher. Marcher, c'est... C'est penser. Comme puer aussi, c'est marcher, tu vois. Et puer, c'est aussi pourrir. Et puer, c'est aussi être de la merde. Et puer, c'est aussi parler. Et puer, c'est aussi chier. Et puer, c'est plein de choses à la fois, t'as vu? Ouais. Belle connerie. Je suis une belle connerie, en effet. Passe à la radio, alors il a tous les droits. Non, je n'ai aucun droit, je suis une merde humaine, un pauvre con. Il se prive de ses droits, alors il a le droit. D'être con et pauvre. Tout ça à la fois. Un mal gâche un lent s'effrant. Une course de trop de trop. La diction à la drogue. Gothique, mort, nature, vide, néant. Lettre recommandée. Frère, on a encore le temps. Les plus dangereux sont les gens ordinaires. Eh ouais, c'est très ordinaire. Je ne sais jamais. Sentiront chose se faire. Ça n'a pas empêché mes voies de l'univers de me demander de prendre le rôle de Jésus. Je me sentais pas Jésus. Je sais pas. Par rapport aux voix j'entends, il y a plein de choses. Là, c'est Paris, Abyss ou Bethel. Il y a la fondation de l'univers, que j'ai pas seulement bien compris. C'est la médecine psychiatre pour comprendre. L'opostomie humaine. I deserve it. Médicamenteuse. Ah, comme j'étais satisfait, un an et demi coma total. Je mérite de mourir, je le mérite, je te dis. Oui, mais je sais que j'y suis atteint. J'y suis atteint, arrivé, je veux dire, au niveau ultime, celui de la mort. J'ai le droit de mourir, tu peux me tuer si tu veux. Oui, veuille-le, veuille-le. Vouloir, toi, me tuer, moi, oui, c'est ça. C'est ça. Ah! Il s'amuse bien. On s'amuse. Tout acte de violence me répugne. Je me suis enculé. Aucune valise pour un joint d'herbe. J'ai perdu ma copine. Mes parents ont déménagé. Je recherchais dans ma ville natale. Je savais qu'elle était au chômage et qu'elle avait un prénom d'une promesse. Porte à porte, Non, I've lost my virginity up my ass. Oh yeah. Fiancée, je sais que j'ai tombé sur sa mère. En fait, c'était un commandant de l'armée. Dans un pays, dans un monde en paix, qui me balance à la gueule. Mais je vais me passer vite. Dans la vie, il faut savoir ce que l'on fait. Et bien la France a déclaré la guerre au monde entier. Quel beau pays. Je portais le compliment de je ne sais plus qui chantait. C'est tragique. C'était un beau pays que je n'aimerais pas. On y perd le temps, même temps que la foi. Et il y avait du sel, des pitons et des rocs. Et que ce n'était pas non plus loin du Maroc. C'est un beau pays, près de la Tunisie, mais à cause des studios de la Manastérie. De la Manastérie. Et je sais plus. Désolé, c'était la tension. God, what is the fuck is happening here? I mean, what the fuck is this shit, you know? Ah, what the fuck? Shut up! No, not again! Ah, damn it! Fuck you, stupid fuck. I hate you so much. I hate you so bad. I hate you for what you've just done. I hate you so bad, you know? God damn it! What the fuck is happening here? I mean, are we dead yet? Yeah, death, you know? Cool about life, you know, we can die one day, hopefully. écouter la radio Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'émission qui s'appelle Nuisance, Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Comme toutes les choses ont une fin, même après la mort. Éternel. J'ai jamais compris les larmes au cimetière lors d'un enterrement. Et on comprend pourquoi elle se mettait des oreilles pleines. Parce que j'en ai perdu deux mots là-dessus. À revoir, c'est à l'espace. Fais peur avec la grosseur. Oh my god, it's so fucking horrible. I hate this shit. Mais jamais on commençait dès ma naissance. Je ne sais pas le vrai du fond. Ma mère est une trompeuse. À ce jour, qu'elle est baisée par la mort, parce que c'est devenu la mort de ma mère. C'est génial. Super. C'est vraiment tout le monde. Merci maman, merci papa. Merci la colonie de vacances. Oui, en CE2, je me souviens de vous, je vous aime tellement. L'amour, vous savez. Oh oui. Oh. Oh merde. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, j'ai dit la plus horrible chose qui puisse exister sur Terre, c'est que l'amour, ça vaut rien, quoi. Oh, comment j'ai fait, quoi. Merde. Il va falloir que je change d'avis vite. Non, c'est vrai, l'amour, c'est tout. C'est la première lettre de l'alphabet. Pour moi, l'amour, c'est ma vie. Est-ce que c'est le tour? Ça, c'est des vitrines avec des trucs. Ouais. En fait, moi, ça, par exemple, Un film, je me fais un film. C'est pas une vie, c'est un film en fait. Quel film de merde. voudrais à présent lire un texte. Crime contre l'humain. C'est un invité. Très difficile. Monsieur le commissaire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je porte plainte pour crime contre l'humain. De par moi-même. Soit. Monsieur. Ça marche. Ça commence par extorquer, extorsion. Viens ici, toi. Extorsion d'héroïne sur ma peine. Viens ici. Et ensuite, Oudas survit, tu sais. Éclature. Pépère. Non. Eh ben, on attend la semaine prochaine. Je mets mes lunettes. Je suis pas là la semaine prochaine. La semaine d'après. Ça marche ? 15 jours. Dans 15 jours, vous aurez droit au texte « Crime contre l'humain ». We'll be right back. fucking horrible what's happening here. I mean, we're all gonna die, right? Que c'est à propos de souffrance, on parle de souffrance là en ce moment, la souffrance d'être humain quoi, tu vois, qui pue et de la merde et au cul aussi. Ma hanche me tiraillait. Assis depuis 5 heures face à ce low food à taper la manche. Un coup de cuillère à peau de la pensée et hop, que des yaves. Ça sentait la pisse et cette vague fragrance d'eau précieuse pourrie dont toutes les salopes de vieilles du mouroir se parfumaient après que ces putes de jeunes nanas de service les aient récurées. J'avais réussi à installer mon hamac dans un chêne de mon âge, dans l'espèce de parc enserrant le home. C'était un compromis avec cette connasse de directrice refaite de A à Z. Organisation du travail. Oui, c'est possible. On fabrique, on vend, on se paye. Tératophilie. Amour des monstres. Créer le besoin d'elle. Dictionnaire scientifique de l'amour chez Audit Jacob. Comment devient-on amoureux? Toujours chez Audit Jacob. La société du malaise. Toujours chez Odile Jacob. Dépôt CV. Nos impôts font vivre des gosses de riches. Une photocopie de la pièce d'identité, dernier paiement à CEDIC, avis de situation NPE. Photographier tronc des arbres, rue Ozen. Tuer un Suisse! Tuer un Suisse! Suicide! Suicide! Après que les pupilles sont dilatées, cerf, teint, cerf, ville, le cerf ment. Le malheur du troïsme. Mystère. Missile. Mimolette. Mystère. Mauve et garçon. Lit. Tige. Mi-tige. Rapport. Mi-lisse. Cerf-chevalier. comptable. Théologie. Horloge. Horn hier. L'ombre poétique du soldat Mao. La commercialisation d'un marché peut se permettre par intransigeance. Everybody's fucked you in the asses, we enjoy fucking you in the ass and we hate you, you've got to be the stupidest motherfuckers on the earth to listen to this stupid shit, you know, and I hope you'll fuck yourself and fuck your mothers and fuck your fathers and fuck your dogs and fuck your fucking redfish, fucking goldfish up the ass, you know, motherfuckers. That's what I mean, like, is there any fuck around, you know, and that's what I'm looking for the fuck, you know, the fuck, so let's just go fuck and fuck it, you know, like, this is nuisances, we'll fuck, and it's fucked, you know, fucking is what it's all about, you know, I love to fuck, you know, it goes to the fucking truth, you know, I love it so bad, oh, I'm a bad little boy, I'm a bad boy, I wanna fuck and be fucked, you know, you see what I mean, you see what I mean, yeah, let's fuck your mother, stupid motherfucker. Penis. I not speak English. I like fuck you. C'est le consensus et tout le monde suce. C'est le Jean-Givier. C'est un groupe, un très bon groupe français qui s'appelle toujours, je crois, Spicy Box. Man. Vert perdu. okay, something's about to change in this show, you know? We're going to hell. You're gonna see what hell is, according to me. Hell is a motherfucker playing guitar, playing fucking djembe, and playing fucking guitar and djembe at the same time, singing shit, you know? That's what fucking hell is to me. Ok, nous allons avoir une idée du paradis. Le paradis pour moi, c'est quelqu'un qui joue du djembe et quelqu'un qui joue de la guitare en même temps et qui chante. C'est le paradis pour moi, donc c'est pour ça, c'est ça que j'ai dit en anglais. J'ai dit que le paradis pour moi, c'était quelqu'un qui jouait du djembe et qui faisait de la guitare en même temps et qui chantait. Voilà. Le paradis pour moi, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts? Vous m'entendez pas? C'est génial, je peux dire toutes les saloperies que je veux. Vous m'entendez que dalle. Comme si je savais pas que vous m'entendiez. Allez, allez, bon courage les mecs, parce que maintenant ou jamais, dans à peu près 34 secondes, parce que quand je dis maintenant, il faut à peu près 2 minutes pour que ça arrive, et ben, quand vous êtes pas prêts, vous me le dites pas surtout, t'sais. Tu vois? Et quand vous êtes enculé, tu sais, bâtard, putain, mais qu'est-ce que je dis? Non! Merde, putain, merde! Dépressif là, je crois que je vais mettre la corde autour du cou et puis après je vais buter ma ma femme et je lui ferai plein de soucis. Car quand elle sera morte, eh bien, je lui guérirai le paradis. Prostituée, ça la vérité, voilà. Non, c'est vrai. Bah, selon le capitalisme, en tout cas, ouais, carrément. Je suis un putain de génie, je viens de dire une vérité, tu sais. Une vérité vraie, je veux dire. La prostituée a la vérité, comme si moi j'avais pas la vérité, ou que le trou du cul avait pas la vérité, tu vois ce que je veux dire. Mon anus a la vérité, les gars. Et moi j'ai des cheveux qui puent, tu sais. Et j'encule mes cheveux, tu sais. Et j'encule ma bite aussi, tu sais. Et j'encule ma bouche, ça te va ça? Enculer sa bouche? Ouais, j'encule ma bouche, vive ma bouche enculée, tu sais. Putain, t'es souple, mon sale grosse pute! Avec ma langue en plus, pour tout te dire. Auto-fellation! Ouais, auto-languillation. Languination. Je me languine. Vive Molinier! L'unilingus, l'anguilingus, l'anguilingus, l'anguilanus, Vive Molinier. Ouais, pour moi le cul. Attention à la guitare, c'est un instrument fragile, pareil, comme le pénis, par exemple. Ouais, je suis un nazi maintenant ce soir. Ouais, chouette, chouette. Je leur dirai ça poliment, je leur dirai monsieur bonsoir, laissez-moi vous enculer. Ouais, monsieur, putain, bonsoir, ouais, c'est bon. Laissez-moi tout autoriser. C'est putain de bon, merde. C'est trop bon. Arrêtez de me parler, car personne n'aura les couilles de m'arrêter. Ah ouais, vas-y. Oui, cher président, j'arrêterai de boire et je porterai des costumes. Ah ouais. Ouais, prends-moi les burnes et écrase-les, ouais, président, ouais, je t'aime. Suffit de parler correctement à son public, lui donner envie de partager son opinion, cela demande du... Les choses et nuisance n'est pas une de ces façons. Il vaut mieux éviter l'émission si vous êtes émancipé ou si vous êtes inémancipé, je devrais dire peut-être. en étant consternement inconstant, vous êtes déblatérant et c'est l'émission pour vous. Pour dire bon mois l'anus. Transpiré par ses pores, ou même oublié sa nature proche et antécédente, car les ancêtres sont. Alors, monsieur, c'est eux les proxénètes, c'est eux. Notre, et puis après, ils seraient avec, et encore, et puis après, ce serait pire. Alors, oui, moi j'aimerais ne pas avoir de dialogue, mais avoir une conversation. Ouais, merde, mais, ouais, quand on peut échanger. Voyez-vous, j'aimerais que tout se mélange. Il n'y a aucune limite à l'enfer. L'enfer sur terre. Il faut une limite à fusionner comme une nature proche, propre. Oui, oui, car nos ancêtres nous ont durement appris que la guerre c'était bien, ça relançait l'économie, et que les économistes c'était des gens bien, évidemment, par une relation très logique. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Avec une voix idéaliste, le monde devrait avoir cette prolongation qui j'aime est ta voix utopiste. Pénis. Et oui, tiens, je suis très long. Je j'ai trouvé un pénis par terre. Regardez les gars, j'ai trouvé un pénis par terre. Aïe, c'est le mien. Ah putain, je te le rends, putain, il est dégueulasse quoi, ton pénis, putain. Aïe. Il est horrible quoi, il ressemble au mien, mais en mieux, tu vois, c'est horrible quoi, je préférerais être pire. J'mérite de crever, putain, les mecs, bordel! Eh oui! On le sait tous que t'es une merde, c'est pour ça qu'on vient ici, on t'observe! On te voit fumant là, t'es très chaud à 37,5 là! On adore beaucoup ce doigté que tu as là! On te fume la bite! Ah oui! Ah non, les gars, c'est dégueulasse, parlez pas de ma bite comme ça! Ah, que moi qui ai le droit de parler de mon trou du cul et de mon anus, et de ma bite aussi dans mon trou du cul et mon anus! Faut que ça glisse, faut que ça fasse mal, faut que ça rippe. Pousse le vis dans les coulisses. Faut que ça rippe, bordel. Arrache-moi le cul, ouais, salope, t'es ma salope à moi. Pipi, maman, pipi. Papa, pipi. Oui, pipi, on y va. Maman, pipi. Laisse-moi dans le trou. Papa, pipi. Bon, il n'y a pas la place pour pisser ici. Pisse-moi dans la bouche, mon fils. Pipi. T'inquiète, j'ai soif. Pipi. Je t'aime tellement. Pipi. Oui, Vert, je t'aime tellement. Je ferai tout pour toi. Tu es mon fils, je ferai tout pour toi. Je me couperai la bite et je te la foutrai dans le cul si je voulais. Vraiment, te le faire. Seigneur, pourquoi t'es pas là? Pourquoi tu nous as quittés, Seigneur? T'es où, Seigneur? Oh merde! Merde, tu reviens? Oh, fais chier, casse-toi! Casse-toi, Seigneur! Lâche chez toi, Seigneur! Lâche chez toi, Président! Président Camembert! Les Camembert, Président! Votez pour Président Camembert ce soir! Le camembert, ça pue du derche. Ça pue le derche même. Le camembert, ça pue entre les doigts de pied. Et moi, ce que j'aime, c'est bouffer entre les doigts de pied ma crotte de doigts de pied. C'est pour ça que je mange du camembert. préciser que ce soir c'est une session libre improvisée par les invités à leur volonté quoi, enfin ça vient d'eux. Donc je vais pas leur interdire de s'exprimer quand même quoi, ce serait malaisé de ma part, contrairement au CSA par exemple. Tuez-le ! Arrêtez-le ! Il nous a invités ! Laissez-le pas faire ! Il nous coupe le micro, il nous empêche de nous exprimer ! C'est un salaud ! Fils de salaud ! Bordel de merde, vous faites de la musique chez moi ! Tu dis que je suis un ingrat moi ? Vous faites de la musique chez moi ? Bah allez vous faire enculer puisque c'est comme ça ! Y'en a marre, j'en peux plus ! C'est de la musique que vous faites, c'est de la musique ! Merde, on nous entend rigoler, c'est pas professionnel. Merde. T'es vénère ou quoi? Ah, c'est du bon, c'est du bon. C'est un instant de sérieux. Bon, ça va bien quoi. C'est vrai que c'est pas très sérieux. La précaution perce la casserole du ventre plein. Les couilles rôties à glisser du cinquième accroché à la barre. Qu'un danger extrémiste pointe et vous tâcherez vos linceuls. Vous trouerez vos ADN. Clouerez vos poteaux de boucher. Vos couteaux de boucher. Chirez vos religions. Nierez les cusses plastiques pas beaux du tout. Mangerez des noix. Rirez du courage qu'il faut pour vivre là où les arbres meurent. Et que ce sera l'heure. Viendez à table. Bon alors l'émission suivante vient d'arriver. Alors je vous demande de vous barrer s'il vous plaît les gars. Non mais cassez-vous s'il vous plaît quoi. Monaco, non, c'est bon, cassez-vous, j'ai dit. Bagnos, non, mais arrêtez de résister comme ça. Cronenbourg, Kyr, Demi, Distingué, Fillet, bonne année. L'argent de notre pognon, sale connard. Pute salope. Pute salope. C'est ma copine, lâche-la. C'est moi la salope. Vas-y, arrête, non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'arrêterai? Mettons le chaos au cas où. Il est en train de casser ma guitare. Non. Oh non. Pourquoi? C'est nos instruments. Pourquoi? Pas casser une guitare. Pas une guitare. Pourquoi est-ce que tu es la musique comme ça? Est-ce que tu vis et tu transpires? Couille, bite, recyclage. Est-ce que tu es aussi méchant? Couille, bite, recyclage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'es où, mon Dieu? Putain, bordel de merde. Ah, t'es là, je t'adore. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. L'émission Nuisance est bientôt à sa fin. On me fera signe, j'espère, quand tout sera bon. Et je pourrai quitter les lieux en flatulant en la présence des auditeurs. Voilà. Pour ce qui est des gestes, je ne sais pas quoi faire. Je préfère me taire dans ces cas-là. Et pour ce qui est de flatuler, justement, je m'en préviendrai, quoi. Enfin, je m'en préviendrai, ouais, c'est ça. Je m'en prévaudrai. Prévaudrai, peut-être. Ouais. Je m'en prévaloirai. Tu vois ce que je veux dire ? Et venez nous rejoindre au carnaval avec JP Yeman et pas mal de personnes dans le créa. Et aussi une dernière chose. La semaine prochaine, vendredi 7 et samedi 8 avril, à Mixart Miris, vous aurez l'occasion d'assister à une occupation des lieux qui aura été mise en place toute la semaine dans des workshops machin par à peu près 25-30 artistes de plein de disciplines différentes sur le thème du parasite. Donc le parasite intestinal, le parasite, le parasite radio par exemple, le parasite social, tout ce qui est forme de parasite sera parasitable et parasité et parasitante vendredi à partir de 19h, c'est-à-dire le 7, et samedi 8 avril à Mixart Miris, rue Ferdinand Lassalle à Toulouse. Stay tuned. Cooperage, just rocking it, rocking it. Keep on rocking. Rock's the best. Rocking music. Cooperage, my king. Oh. I can rock this world for you. King and rock the bell. I want body, body, rock, body, body, rock. You are not rocking with the best. I put this together too. Rock the house, knocker. Rock. Hello, Mr. DJ. Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah! Music Machine. Pénétrez dans cet univers musical. Attention, attention, attention, attention, c'est à vous, vous, vous, vous pour la danse, danse, danse, danse. Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super. Why don't you tell me a story?